souris, veille ton nid. Julie, Julie, bonne nuit. Dors, petite fille, fais nuit. Si tes yeux, oh ma princesse, se remplissent de tristesse, papa, maman, chante pour toi, chuchote.